Chapitre 20. Les mémoires de famille. Combien est difficile à combattre la puissance de l'amour, puisque ma raison a beau protester contre le désir de revoir cette jeune indienne, la tentation l'emporte, je le sens, sur les meilleures barrières que j'oppose à mon idée folle, oui bien folle, car Menet ou Yacon ne m'aime pas, après tout. Si elle m'aimait, bannirait-elle de son cœur l'espérance de nous unir un jour? Les arguments contenus dans cette lettre sont pitoyables. Du reste, elle a dû être écrite à diverses reprises. C'est plutôt un journal qu'une lettre, cela se voit. Et après tout, je n'ai pas de préjugés de race, moi. Et j'épouserais aussi bien une négresse, si elle me plaisait, que la plus blanche de l'eau française. Vraiment, elle me fait rire avec sa peau rouge. Elle a tout bonnement la mine d'une méridionale au sang chaud et généreux. Son esprit est son caractère héroïque. Elle possède l'âme d'une reine. Et si son extérieur offre, tant au moral qu'au physique, quelques singularités, disons mieux quelques bizarreries, 6 mois de séjour à Paris la priveront complètement, hélas, de ce délicieux parfum exotique. Est-elle belle? Est-elle noble? Ah, comme je l'aime, comme je comprends qu'on la puisse, qu'on la doive aimer. À cette réflexion, Adrien Dubreuil, qui se promenait, la lettre de Menet ou Yacon à la main, dans la chambrette qu'il avait occupée 1 an environ auparavant, chez le père Rondeau, au saule de Sainte-Marie, Adrien Dubreuil s'arrêta. Il croisa les bras sur sa poitrine, pencha la tête, et son front s'assombrit. Cependant, continua-t-il après un moment, si elle avait aimé cet homme, ce Jésus, mon frère, elle avoue que son sein a battu pour si. Mais non, s'écria-t-il avec force en frappant du pied, non, c'est impossible. Mais Menet ou Yacon, grande et courageuse comme je la connais, se serait plutôt tuée que de se laisser souiller par les embrassements d'un pareil. N'ajoute rien, il fut mon frère, il a expié ses crimes. Néanmoins, je ne puis donner mon nom à la femme qui vécut au milieu de ses concubines, qui partagera peut-être leur débauche, la sagesse, le devoir me le défendent. J'accuse ma bienfaitrice, je suis un misérable, c'est indigne. Dubreuil recommença à arpenter la pièce. Il était en proie à une vive agitation. Des larmes roulaient sous ses paupières et coulaient lentement de ses joues sur le sol. On frappa à la porte. Il n'entendit pas. Les coups redoublèrent. Il n'entendit pas davantage. Alors la porte fut ouverte discrètement, et Jacques Godailleur, en petite tenue de dragon, parut dans l'entrebâillement. « Pardon de vous déranger, marchef, dit-il en portant la main droite à son bonnet de police. « Pardon, mais sans vous manquer de respect, le bourgeois demande quand vous serez prêt à partir. « Ah, c'est juste, dit-lui, que je me tiens à sa disposition. « Il voudrait encore savoir si nous gagnons Montréal ou New York. » Adrien tressaillit. Il hésita, se frappa le front, et au bout d'une minute répondit comme un homme entièrement irrésolu. « Eh bien, en route, je me déciderai. » Il allait reprendre sa marche dans la chambre. Jacques Godailleur l'en empêcha. « C'est qu'il y a quelqu'un qui désire vous parler, » dit-il niaisement. « Qui ça ?»« Un sauvage. Il arrive des pays d'en bas, c'est-à-dire les pays à l'est du désert, par opposition aux pays d'en haut. Comme j'ai dit, le bourgeois Rondeau, et il a une lettre pour vous. »« Une lettre pour moi. Qu'il entre, » fit Adrien avec vivacité. Un Indien de haute taille et de belle prestance se présenta peu après. « On m'appelle, dit-il, Shungushuseta. Mon frère me reconnaît-il? Il m'a sauvé la vie, je ne l'ai pas oublié. Shungushuseta, oh oui, je vous reconnais, vous êtes le frère. » Dubreuil s'interrompit, n'osant prononcer le nom de celle qu'il aimait. « Je suis, dit gravement, le chef Nadoessis, frère de Menet ou Yacon. Voici sa parole qu'elle t'envoie par moi, pour que tes yeux en prennent connaissance et la marquent dans ton esprit. » Et il lui tendit une lettre. Alain Dubreuil la parcourut rapidement, en frémissant et en pâlissant. Puis d'une voix altérée, il s'écria. « Quoi, ce scélérat de Judas l'a poursuivi jusqu'à Montréal? Il a tenté de l'enlever, de lui faire violence, et n'y pouvant parvenir, lui a jeté une bouteille de vitriol au visage. Oh, le monstre! Ah, je suis déterminé maintenant. J'irai droit au Canada au lieu de retourner en France. Comme c'était mon intention, je vengerai Menet ou Yacon et l'épouserai. Elle est malheureuse, elle est affligée. Plus de méprisables considérations mondaines, je serai son mari, son protecteur naturel. » Le brave jeune homme fondit en pleurs. Pendant ce temps, Shungushuseta l'examinait en silence, mais avec une attention soutenue. Le voyant un peu plus calme, il lui dit, « Menet ou Yacon est vengé, que mon frère se rassure. Voilà la main qui a frappé son lâche assaillant. Mais elle, où est-elle? Dites-le-moi. » Menet ou Yacon, répondit l'Indien, est parmi les robes noires de Montréal. « Au couvent ? Oui, s'exclama Dubreuil avec une exploitation de douleur, j'ai mérité mon sort. Si au lieu de rester ici dans l'irrésolution, depuis que le père Rondeau m'a remis la première lettre de cette pauvre Menet Ouyakon, il y a déjà 2 mois, j'étais parti pour Montréal. Si j'avais écouté la voix de l'honneur, la voix de l'amour. Mais dites-moi, mon frère, ces vœux sont-ils prononcés? La parole de Menet Ouyakon, repartit le jeune chef, doit être écoutée. Elle ne veut plus voir mon frère, que mon frère lui obéisse. À présent, je vais t'adresser une question. Tu es français de race? Oui, répondit distraitement Adrien. Né à Cambrai? Oui. Tes ancêtres ont vécu sur le territoire de Chasse? Oui, fit encore l'ingénieur, reprenant quelque intérêt à la conversation. Ils étaient chefs et s'appelaient Dubreuil. C'est juste, lors de la Révolution française, nous nous sommes volontairement dépouillés de notre titre. Et ton aïeul est mort ici? Je l'ignore. Il est mort glorieusement, en s'ensevelissant sous les ruines du fort Sainte-Marie pour ne pas tomber entre les mains des Anglais. Comment savez-vous? Connais-tu cela? Fit l'Indien, étirant de son sac à médecine une miniature qui représentait un capitaine du temps de Louis XV. Il la montra à Dubreuil. Mais, s'écria celui-ci, c'est mon grand-père. Nous avons son portrait en pied à la maison. D'où tenez-vous ce médaillon? Je le tiens de mon père qui fut l'ami de ton aïeul, comme nos ancêtres le furent des tiens depuis bien des hivers. Suis-moi, je vais te rendre un héritage qui t'appartient. Dubreuil céda à cette invitation sans trop savoir ce qu'il faisait, tant son cœur était gros d'émotion. Ils sortirent silencieusement, accompagnés par Jacques Godailleur et le père Rondeau, munis de pioches et de pelles, et s'avancèrent à une courte distance du village. Le printemps renaissait, égayé par les sourires de la nature et le ramage des oiseaux. Nos 4 hommes firent halte sur une sorte de monticule, composé de terre et de pierre, sur lequel avait cru un épais hallier. C'étaient les ruines encore visibles de l'ancien fort français du Sault de Sainte-Marie, alors que le village était un des plus considérables établissements que nous eussions dans l'Amérique septentrionale pour la traite des pelleteries. Chungushuseta s'assit solennellement sur le sol, croisa ses jambes sous lui, bourra son calumet, l'alluma, et s'adressant au père Rondeau. « Il faut fouiller là, dit-il en indiquant le sommet du tertre. » Le Canadien et l'ex-dragon se mirent à l'œuvre, creusèrent un trou profond de plusieurs mètres, et tout à coup un son sourd se fit entendre. Ils étaient arrivés sur la voûte de l'un des caveaux de l'ancien fort. Cette voûte fut défoncée. Dans le caveau, on trouva un coffret de fer, annonçant par sa forme et ses fines ciselures l'art merveilleux du XVIe siècle. En voilà une jolie boîte, un peu plus propre que la caisse du 7e, sans vous offenser, mar chef, s'écria Jacques Godailleur à la vue du coffret. L'ayant soulevé, il ajouta en secouant la tête. Mais tout ce qui reluit n'est pas or, sauf votre respect, mar chef, c'est léger comme une plume. La caisse fut apportée aux pieds de Dubreuil. Chungush Ouseta, rompant la taciturnité dans laquelle il était plongé, dit à l'ingénieur en lui présentant une clé qu'il avait prise dans son sac aux amulettes. « Ouvre, mon frère !» D'une main tremblante, Adrien Dubreuil ouvrit le coffret. Il renfermait une épée brisée et un fort rouleau de parchemin avec ce titre « La vie et les aventures de divers membres de la noble famille des Dubreuil, SPI de la Nouvelle-France. »« Sans vous manquer de respect, marchef, vous nous lirez ça, » dit Jacques Godailleur à Adrien, qui considérait avec un respect religieux ses souvenirs de ses aïeux. « Et si vous m'en croyez, jeune homme, vous en ferez des livres imprimés, afin qu'on sache dans la vieille France, qui nous a oubliés, quoique nous l'aimions toujours, ce que valurent les Canadiens, si malheureusement abandonnés par elle, » continua le père Rondeau d'une voix émue. Et Chungush Ouseta espère, ajouta le sagamo, que son frère ne mettra pas de mentionner dans sa parole écrite la vaillance des Nadonessis et leur vieil attachement pour les Français. « Vive la France !» s'écria Jacques Godailleur en se levant. « Vive la France !» répétèrent le Canadien et l'Indien d'un ton enthousiaste. « Mes amis, » dit Adrien Dubreuil, profondément touché, « j'essaierai de vous satisfaire. »